En Corée, augmente le nombre des centenaires grâce au régime socialiste. Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter l'anniversaire de Madame Cha Chun-yo, habitante de l'arrondissement du Zhou de la province du Pyongan du Nord.